De la cocaïne, des chemises à fleurs, un tic dans le jardin. Cette semaine, on a vu Scarface et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? Mais non, j'ai pas le temps pour ça, j'ai matériellement pas le temps pour ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans nos heures de perdu, cette semaine consacrée à Scarface de Brian De Palma. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël, bonsoir. Est-ce bien quoi? Comment ça va, Mickaël? Ça commence quoi. Franchement bien. J'ai bien kiffé. T'as kiffé? Bah j'ai kiffé. Franchement il est bien le film. Franchement ce film il domine. C'est qui domine dans le film? Bon, comment on va le faire pendant une heure et demie? Je vais pas le faire pour l'intro. À tes côtés, Mickaël, Barbara, bonsoir. Gros. Comment ça va, Barbara? Bonsoir Antoine, ça va et toi? Et à tes côtés, Greg. Ça, Greg? Ça va. C'est quoi les bails, Greg? Les bails, c'est que j'ai vu Tony Montana et j'ai sais c'est qui domine maintenant. Donc cette semaine, vous l'avez compris, on parle de Scarface de Brian De Palma, sorti en 1983 de 170 minutes, produit par Universal avec Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Marie-Elisabeth Mastratonio. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. 1980, Miami. They called it Little Havana, where the American dream had a price tag, and only one man in a million was hungry enough to pay. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Scarface. Et voilà, tout ça, c'est pour les women, le power et l'argent. Et pour le ça, message faut... est clair. Hein. Ouais, d'abord, ouais. Il faut le pognon et après, le reste suit, quoi. C'est comme ça, la vie, quoi, les gars. Donc, c'est... on oui, est d'accord. Parce que les femmes sont des objets, bien sûr. Qui s'achètent avec l'argent et le pouvoir. Donc, on est d'accord que c'est le film de la Scar par référence. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Ouais, c'est le film de la Scar, mais aussi des autres. C'est-à-dire. Bah, elle n'est pas la Scar, donc que tu demandes. Voilà. Ah, juste en guise d'intro, moi, j'avais pas vu ce film, en fait, figurez-vous. Ah bon? J'avais jamais vu ce film. Je pensais qu'après Il était une fois en Amérique, aucun film de gangster ne m'aurait fait vibrer. En fait, j'ai vraiment, vraiment aimé. Toi, t'as vraiment kiffé? J'ai pas perdu une minute de ces 2h45. Est-ce que quelqu'un a vu l'original de Howard? Oui, j'avais vu l'original. 1930, machin. Ah. J'avais vu l'original, mais il a rien à voir. Ils vendent la coke ou pas? Il a rien à voir. C'est très différent. Il est pas cubain? Non, je crois qu'il est même pas cubain, il est italien. Chicago, et c'est pas Giorgio Moroder qui fait la musique. Il y a pas de chemise à fleurs. Mais c'est en noir et blanc à l'époque. Mais ça n'a rien à voir. C'est naze. Moi je l'avais déjà vu plein de fois. Et il y a un pote en soirée qui m'avait fait douter en me disant non mec, tous les films de De Palma c'est de la merde, Scarface c'est de la merde. Et en le revoyant, franchement, non, c'est vachement bien. Je trouve ça hyper cool. Non, c'est très bien. Pas vachement bien, faut pas exagérer quoi. Tu vois. Bah, moi je trouve qu'il est, je trouve qu'il est à la hauteur du Parrain en fait. Pas à la hauteur d'IT du fond en Amérique parce que pour moi c'est le chef-d'œuvre du film de gangster. Non, mais il y a plein de trucs qui vont pas arrêter. À part la longueur, je trouve que c'est plutôt plausible, quoi. Les bagarres, elles sont, à part la scène de fin, les scènes de violence, elles sont plutôt bien faites. Franchement, les bastons, elles sont réalistes, en vrai. Bah, en plus, non, parce que je trouve la première scène d'assassinat, elle est ridicule. Qui résume le film rapidement? Moi, je vais le faire simplement, hein. C'est un Cubain, qui arrive finalement aux États-Unis. Et il a la niaque, hein. Il a la niaque, il veut vraiment réussir. Et il a la win, ouais. Il a la baraka. il est tellement nerveux qu'il veut avoir la win. Et du coup, l'histoire, c'est genre sa montée, son succès et sa chute. Et son déclin. Ouais. Voilà. C'est sachant ça. Que moi, j'ai quand même analysé trois parties, hein. C'est-à-dire toute la partie qui dure 1h45 de montée. Ouais, la partie de réussite qui dure le temps d'un clip, c'est-à-dire 1 minute 20 avec de la musique. Qu'on va appeler le montage. Ouais, le montage. Et le reste, c'est la chute. Voilà, c'est trois parties. J'étais violente, hein, quand même. Ah, la chute, ouais. Elle va vite, ouais. Mais je trouve que globalement, c'est marrant parce que pour un film de 3 heures, je trouve que globalement, ça va hyper vite. Ouais. Bah, même son ascension, elle est hyper bizarre, quoi. Il fait 3 petits boulots et le plan d'après, bah, ça y est, c'est un caïd lui aussi. Je trouve que c'est tout le problème du film, en fait, c'est qu'on le voit jamais bosser. C'est-à-dire qu'on sait jamais bosser. On sait pas ce qu'il fait, Il fait jamais ses comptes. Si, il amène quand même des sacs de billets à la banque. Il fait les trajets, c'est lui qui conduit. Au début, il fait un coup où il bute des gars, c'est un peu chaud. Et tout le reste du temps, c'est genre, c'est évident. Il gagne plein de pognon, mais on sait pas ce qu'il fait. On l'a jamais vu décharger un carton. Il fait des frites au début. Hein. Il met la main dans les oignons. Moi, je trouve qu'il galère pas assez, en fait. Pendant tout le long du film, il galère pas assez, quoi. Il trime pas assez à faire des passages de dope et tout, machin, à faire la mule. C'est direct, il fait un coup et après, ça devient le calibre. C'est vrai, il a fait un merveilleux coup. Son premier coup, il est merveilleux, donc il devient un caïd. Oui, ouais, mais après, il faut quand même travailler, quoi. Tu sais, c'est pas parce que tu fais un bon coup que tout est dû après. Il faut savoir que sa maison, c'est lui qui l'a construit. Hein. C'est lui qui a fait tous les travaux, hein, le mec, à la plomberie. Regarde, sa maison, elle a l'air d'être particulièrement en plâtre. Hein. Ça a l'air d'être un décor de maison. Je viens de voir ça sur internet, elle est à vendre en ce moment. Oui. C'est vrai ? 34 millions d'euros. De dollars. De dollars. 34 millions. Et d'ailleurs, c'est pas en Floride, c'est à Los Angeles. Ah, je vous en apprends. Ah là là. Ouais, je pensais que c'était à Meudon. Moi. Donc le film commence dans le camp de réfugiés. Donc en fait, il arrive de Cuba, il est dans un camp de réfugiés. Voyez, déjà, honnêtement, le générique, l'intro avec Fidel Castro, le rappel historique, je le trouve cool. La musique est cool aussi. Mais c'est marrant parce que on en parlait avec Mickaël. Tu vois, ce film est devenu ringard. Et là, il redevient à la mode. C'est-à-dire que tous ces sons-là redeviennent grave à la mode. Ces chemises-là, ça va arriver en force. Qu'il y a 10 ans, Scarface, la chemise. Il y a 50 ans. Mais... Parce que je suis en avance. Mais il y a 10 ans, il était vraiment ringard. Et là, il l'est de moins en moins. Et je pense qu'il va vraiment arriver à son climax. Bah, tu sais, quand même, la première fois que j'ai vu la chemise, j'ai immédiatement fait une crise d'épilepsie. Et donc, il arrive dans ce camp. Et déjà, avec les flics, il est ultra nerveux, quoi. Déjà, il fait son show. Il parle aux flics comme si c'était de la merde. Parce que les réfugiés politiques, c'est pas un pauvre qu'en dessin comme les autres. Enfin, il essaye de faire croire qu'il Attends, mais Barbie, t'as cru tout ce qu'il a dit. Mais non, mais en fait, il vend pas de la drogue. Il a des entreprises. Et... Il a un salon de coiffure avec sa sœur. C'est pas gars, c'est un entrepreneur. C'est merde. Il rase beaucoup de pognon. Non, mais c'est un autre truc aussi qui va pas trop dans le film. C'est qu'OK, il est petit, il est nerveux, mais à un moment, il parle hyper mal à tout le monde et tout le monde se laisse un peu faire, quoi. Les trois flics au début, en vrai, tu te fais massacrer la gueule, quoi. C'est sûr. Surtout quand t'es cubain et que t'arrives, genre, lui, il fait son show, il fait la moitié des devinettes, je pense que la moitié chez tout le monde. Je m'appelle Denis Montalieu, quoi. Et toi, tu t'appelles comment? Déjà, ça passe pas. Le flic, il te marre la tête, c'est sûr. Il a dû s'inspirer un peu de Travolta dans Front Paris Swiss Love à la douane. C'est sûrement ça. Et donc, il arrive, il est dans son camp de réfugiés, voilà, et la bonne façon pour s'en sortir, c'est d'obtenir une green card. Et pour ça, on lui propose un contrat, un assassinat. Alors, pas n'importe qui. C'est vite gagné, en fait, une green card. Hein. Assassinat, c'est systématique. Et faut pas tuer le moindre mec dans le camp de réfugiés. Faut tuer le seul mec qui a une chemise blanche, des lunettes, une mallette en cuir et qui est déjà prêt à peurer avant même de rentrer dans le camp. C'est ça qui est très marrant, c'est quand il arrive, il est là. Tu t'exagères. Oh putain. C'est lui qu'on doit tuer. Et donc, il crée une émeute dans ce truc pour. Je sais pas s'il crée une émeute pour ça. En tout cas, il y a une émeute. Non, mais là c'est pareil, cette scène d'assassinat avec les mecs qui sont là, Liberta, en le regardant, et il y a tout un chemin où le mec faut qu'il s'enfuit, il l'attend derrière la porte, c'est bon, je pense qu'il profite du fait qu'il y a une émeute pour pouvoir le tuer discrètement, en fait. Oui, c'est ça. Alors moi, ce qui me fait marrer dans cette scène, c'est que le mec, il se retrouve au milieu d'une émeute, il se fait suivre quand même par un type qui a un couteau dans la main, Manny, qui lui dit Liberta, mais qui a clairement envie de le flinguer. Et le mec s'allume quand même une clope. Je pense qu'il faut avoir atteint un certain niveau de dépendance pour s'assumer une clope dans ces conditions. Quoi. Ça, c'est les Cubains. Hein. Moi, ce qui me fait barrer dans la scène de l'émeute, c'est qu'elle est vraiment super mal faite. C'est-à-dire qu'ils ont pris des figurants qui ont des bouts de bois. Et il y en a un, tu vois bien qu'il fait pas du tout ce qu'il faut faire. Et personne lui dit, non, mec, attends, on coupe le mec là qui est derrière avec son bâton et qui lève les bras en tournant en rond. Ça marche pas du tout. On arrête. Mais en fait, ça continue quand même. T'as plein de vieux qui sont là, ils tournent en rond. C'est vraiment très mal fait. Ils font du néo. Du néant, pardon. Du néo. Ouais, c'est aussi du néon dans ce film. Alors par contre, j'ai fait une juste avant en fait la scène de l'émeute, il joue au basket, c'est comme ça qu'il apprend, enfin que Manny lui parle du plan. Ouais. Et j'ai fait un arrêt sur image, donc ils sont 7848 pour un panier de basket. C'est comme ça dans les réfugiés. C'est ça Little Alavan. Donc là, on apprend aussi que le pote de Scarface, donc ça va être son bras droit. Son meilleur ami, donc interprété par Cristiano Ronaldo dans le film. C'est clair. Moi j'aurais dit Jim Carrey. J'aurais dit Antoine Plumby. Et donc, Cristiano Ronaldo. Donc du coup, les deux, ils vont obtenir leur petite green card et ils vont arriver justement à, c'est quoi, c'est Miami. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il arrive à Miami directement, ouais. Mais là, tu commences. Bah, là, pour le coup, c'est le seul moment où il va bosser dans le frit, dans la frite. On se bien honorable. Hein. Tu crois que c'est à moi de mettre les mains dans la merde comme ça là? Tony Montagne. Antonin Montagne. Et tout de suite, il va avoir son premier contrat. Mais déjà, il est nerveux, même avec les oignons, il est nerveux. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, il est déjà super vénère. Et là, t'as phrase culte. Il faut expliquer. Alors, ouais, les mains sont faites pour l'eau, elles sont dans la merde. C'est ça. C'est ça. Et il va avoir son premier contrat avec Salieri de Mozart. Vous avez vu le film? C'est le même acteur. Ouais. J'ai pas vu Amadeus. Greg, tu peux nous raconter un peu les bails entre les deux? Parce que là, tout de suite, il lui monte. Ouais, bah, directement, le gars, on lui propose un contrat, c'est-à-dire qu'il a jamais fait ses preuves, il a jamais bossé. il sort d'une baraque à frites, quoi. Déjà, il est en tablier, ouais. Il met un coup de pression au gars, quoi. Bon, moi, je sais pas, enfin. Non, en fait, il lui propose de quoi? D'aller chercher de la beuh ou je sais pas. Il lui dit vite des cartons pour 5 000 $, et là, mais l'autre. 500 $, et l'autre, il monte dans les tours direct, il fait, quoi, 100 $, tu te fous la gueule, c'est pas du tout les prix du marché, fuck with me! Et là, il lui fait direct une Al Pacino, quoi, you fuck with me! Mais le gars, il fait, mais surtout qu'il a juste coupé des oignons, il connaît pas du tout les prix du marché, genre, de charger des sacs de cannabis, c'est attends, pas 500 dollars. Il a fait de la tôle avant, moi, j'ai pas trop bien compris. Oui, c'est vrai, on connaît pas trop son passé, en fait, mais on a compris qu'il l'a fait de la tôle à Cuba, donc c'est les prix de Cuba en plus. Là-bas. Ah ouais, moi je suis d'accord. C'est quoi la monnaie de Cuba? C'est pas en dollars, donc. Ouais, t'as les deux. Et là, il a son premier boulot qui sent un peu le. Ça sent l'oignon encore. Donc du coup, ce qui est marrant, c'est que le mec, du coup, qui lui propose son boulot, il cède à sa demande. Il dit, parce qu'il lui met tellement un coup de pression. Il lui met un coup de pression, donc il lui dit, ok. Il a raison. Enfin, il m'a convaincu, il doit être capable. Et donc il l'envoie aller chercher de la coke cette fois-ci chez un Colombien. Non ouais. Ouais, c'est un Colombien, chez un Colombien dans un hôtel miteux. Et attends, hôtel miteux au bord de Miami Beach, tu y vas aujourd'hui, c'est à mon avis 200 $ la nuit. Bon, je dis ça. La chambre, t'as vu que sur le retour t'as vu que le mur faisait 10 cm, tu rallonges un petit peu, un moment, tu peux l'avoir. Ah ouais. Mais les Colombiens dépensent sans compter. Non, c'est un hôtel miteux parce que le mur fait 10 cm, à moins il le traverse. C'est vrai. Et à la tronçonneuse. Non, il la traverse à l'épaule. Ah ouais. Donc ça vire au chocolat, hein. Ça vire chocolat cette histoire. Hein. Voilà, déjà, franchement, les Colombiens, tu peux pas leur faire confiance. Déjà, donc il rentre dans la chambre, donc le mec l'accueille les bras ouverts, du genre, ah salut Montana, comment vas-tu, machin, alors qu'il le connaît pas. Donc le mec, on comprend. Mais ça, pour le coup, cette scène, elle est vraiment. Elle est bien. Vraiment très cool. Elle est vraiment très bien. Tu sens la tension de dingue. Et Montana, bon, lui, il va pas. Lui, il la sent aussi, la tension. Ouais, il va la mettre aussi. Ouais. Alors en fait, il lui présente sa copine. Donc on comprend qu'il sort avec David Bowie. J'avais mis Beetlejuice. Non, mais on dirait, tu sais, elle est allongée devant la télé. On dirait la pochette de Diamond Dogs de David Bowie. Donc vraiment. Tu sais que ça, c'est une petite anecdote en fait. Dans la version originale de Scarface, c'est un court métrage et il meurt dans cette scène. Il mériterait, hein. Parce que son pote meurt, il en a rien à foutre, hein, du coup. Oh bah non, alors non. Il faut dire que ça parle. On va pas trop en parler, hein, de son pote. Ah hein. Oh, c'était sale ça. Ah ça, moi ça m'a dégoûté. C'était vraiment dégueu avec la tronçonneuse et tout. Bah c'est cool, hein. Pour le coup, ça fonctionne bien. Ça te met bien mal à l'aise en début de film et tu te dis putain, si tout le film est comme ça. C'est quand même la scène la plus violente du film, moi je trouve. C'est la seule scène vraiment violente. Ouais, c'est la seule scène vraiment violente. Parce que j'ai lu qu'en fait, les critiques et le public reprochaient à Scarface sa violence, mais à part cette scène-là, en fait, finalement, il n'est pas plus violent que. Ouais, ce qui est débile, c'est qu'il se passe une scène de tronçonneuse avec les murs en placo-plâtre et que tout le monde entend et que lui, il finit par buter des gens en pleine rue devant. Non, parce un qu'il plan a quoi. Ils ont monté le son de la télé. Mais oui, c'est ridicule. Bah, en fait, ce qui m'avait surtout surpris dans cette scène, c'est déjà que le mec et sa tronçonneuse dans son motel. Il l'a dans sa valise. Mais en fait, ouais. Mais en fait, je sais pas comment s'appelle ce personnage, le trafic en drogue. Mais en fait, ce mec-là, la coke, en fait, c'est un hobby. Son principale activité, il est paysagiste. Donc il a forcément une tronçonneuse chez lui. Oui, la coke, c'est son passe-temps. Donc ils sortent de là, donc c'est hyper pas discret. Surtout que je sais pas pourquoi ils ont rajouté des bruits de sirènes de police quand ils sortent de l'hôtel. Mais ouais, alors oui, qu'il n'y a pas de flics. Ouais. Et surtout, clairement, t'entends des sirènes. Le mec, il prend le temps de faire un demi-tour entre ses potes et tout. Bah, en vrai, tu traces, t'as une balle dans la couenne. Ah bah oui, parce qu'il se fait tirer dessus en plus. La couenne. Tu me dépêches, quoi. Et donc ensuite, il fait un geste assez fou pour gravir les échelons beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il va donner la drogue directement. Il a chopé la dope. C'est normal. Il a chopé la dope et le pognon. Et Salieri lui dit bah vas-y, moi je vais donner l'argent, t'inquiète pas. Il fait non, alors, c'est moi qui le donne à Franck. Ouais, à Franck. Ouais. Franck Lopez. Ce qui est marrant, c'est qu'il arrive chez Franck avec la valise et en fait, il y a eu un massacre pour 2 kilos de cocaïne. C'est-à-dire que c'est limite s'il arrive pas avec 300 grammes de cortisone. Non, mais c'est, dans la valise, c'est ça qui est marrant, tu fais. Là, la coke, bon, à la limite, la coke, t'as deux gros sachets et voilà l'argent. Et là, il te sort une mini enveloppe, tu sais, il y a 3 bifetons dedans, tu vois. Et c'est pareil, Franck, la coke, c'est un hobby, hein. Lui, il deal du mascara, c'est ça qui lui rapporte. Tomber du camion. Et donc, il est bien content de rencontrer ce Franck parce qu'il sent que ça va aller vite. Et Franck lui dit d'ailleurs, alors, mec, c'est marrant parce ça va aller vite, quoi. Parce que, oui, ça va aller vite, mais en fait. Non, mais entre les deux scènes, c'est marrant parce que pour aller voir Franck, il enfile un costard et là, il s'est transformé en Ariel Wiesman. On dirait vraiment Ariel Wiesman dans ce film, Al Pacino, non, vous trouvez pas? Un petit peu, ouais. C'est pareil, c'est gros col. Son pote Manny, là, il s'est pris une balle dans le bras, il va avoir le bras un peu blessé. Ouais. C'est la seule scène. Après, ça va beaucoup mieux. Ouais. Bah après, ouais. Il se cartonne quasiment plus, en fait, quoi. Non. Bah non, après ça, voilà, c'est devenu le bras droit. Alors, encore une fois, moi, je reviens un petit peu sur l'idée du début, mais. En fait, déjà, à partir de ce moment-là, il a grave de pognon. C'est-à-dire qu'il va s'acheter des bagnoles et tout. Et je veux dire, c'est quoi la différence avec la fin, en fait? C'est-à-dire qu'il en branle pas plus. Sauf qu'il a déjà un max de pognon, mais il en veut toujours plus. Il est de plus en plus nerveux. C'est lui qui devient le boss. Il a mis en place un réseau de pognon. Ouais, mais enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu peux t'en contenter, quoi. C'est pas la biographie de Sarkozy. Oh là là, blague politique. Est-ce qu'on peut parler de l'ascenseur? Je suis pas d'accord avec vous. Chez Lopez. L'ascenseur chez Lopez. Le plan où Pfeiffer arrive, on la voit pour la première fois. C'est l'ascenseur, vous ferez gaffe, le plus lent du monde. Ouais. Attends, c'est la séquence émotion, il y a une petite musique. Ah, il y a la musique et tout. T'as le glamour qui arrive dans le film. Ouais. Et par contre, ça aurait été nettement moins glamour si elle était descendue en monte-escalier. J'ai cru que t'allais dire motocross. Pourquoi motocross? Bon, en tout cas, un petit vélo pour enfants. L'arrivée en skate. Bon, en tout cas, ils deviennent super potes avec c'est le Franco. Une grosse boule gonflable. Bon, les gars, c'est bon. Vous allez faire tous les moyens de transport. Il me reste un tracteur, mais vas-y, allez, on continue. Non, bah vas-y, fais-la. Moi, il y a un truc qui me fait barrer, là, c'est que Tony Montana, il arrive avec la thune. Il est odieux. Mais vraiment, il est irrespectueux à mort. Et tu vois, envers Franck? Envers tout le monde. Dès que quelqu'un lui parle, il est toujours hyper nerveux. Il est toujours en mode. Ça nerveux. Tu vois, il défie tout le monde du regard et machin. Et le gars, Franck, qui est le boss de son boss, il va faire, mais écoute, viens à dîner. On va dîner, je t'invite au resto. Et après, il fait, mais vas-y, danse avec ma meuf. Non, mais ça, c'est génial. Mais ça, c'est génial. Alors, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que si le Colombien, il sortait avec David Bowie, du coup, Franck, lui, il sort avec Blondie. C'est vrai. Alors, elle ressemble à Blondie dans ce film, Michel Pfeiffer. Enfin, ceci dit, elle est quand même beaucoup plus jolie que. Elle était très belle, Blondie. Bah, pas Blondie aujourd'hui, évidemment. Mais. Ceci dit, la première fois que tu rencontres ton futur boss de la coke, la mafia de la coke, essaye de pas pêcher sa meuf, qui est déjà un peu chelou, il te dit, vas-y, danse avec ma femme. Tu dis, ouais, d'accord, un petit peu plus tard, j'irai plus tard. Et lui, il y va quand même, et en plus, il va lui dire, ouais, vas-y, sors pas avec lui, et tout, tu verras, un jour, je t'aurai, et tout. Et le gars, il fait carton dès le début, quoi. Et d'ailleurs, il dit, mais non, mais c'est quoi? D'ailleurs, deux choses, parce que du coup, ils sortent, une petite référence pour toi, Antoine. Donc ils sortent en boîte, ils arrivent dans une boîte et je sais pas si t'as remarqué, cette scène est tournée à la JAM à Dijon. C'est une boîte de Dijon. C'est quoi ça? C'est une boîte de Dijon. Ça fait vraiment cette ambiance. Mais et non, c'est le Babylone. Pardon? De Dijon. Il y a un Babylone aussi à Dijon. Hein. Et en fait, ce qui est assez drôle, vous avez vu quand même cette scène de danse. Oui, vous avez vu comment ils dansent. Non, mais c'est surtout tous les figurants, quoi. Pourquoi on leur a demandé de danser comme ça? Non, mais grave. En fait, le problème, c'est que, et je m'en doutais un peu, hein. En fait, Michel Pfeiffer fait de l'arthrose, c'est bien ça. Elle ne peut pas baisser les bras. En fait, dans le making-of, elle a tout un exosquelette derrière elle pour la maintenir droite. Non, mais j'imagine les directeurs artistiques, ils disent Al Pacino, vas-y, faut que tu danses mal et tout. Et au bout d'un moment, il dit pas, non, mais pas autant, mec. Là, c'est exagéré. Bah attends, les mecs, il y a des modes, même en danse. Non, mais en vrai, je pense que. Parce même... que le Babylone, c'est quand même l'apogée des années 70. Tous les mecs sont habillés n'importe comment. Toutes les meufs sont moitié à poil et ils dansent comme des merdes. À Miami, à cette époque-là, tu dois danser un mélange de disco salsa. Et je pense que les mecs devaient danser comme des dieux, quoi. Là, ils dansent comme des Legos. Enfin, ils font n'importe quoi. Et je pense qu'au moment de tourner la scène, il n'y avait pas de musique en fond parce que personne danse ensemble. Tu vois. Ouais. Enfin, c'est très bizarre. Après, donc après la boîte, il passe voir sa mère et sa sœur. Ah ouais, bah là c'est génial parce qu'en fait il a toujours la même attitude, c'est-à-dire qu'il est ultra agressif avec sa mère. Il dit vas-y, prends du pognon et il lui balance un paquet de pognon genre ultra agressif. Alors, sur la table quoi. Tout, attends, t'oublies quand même une scène mythique, c'est Oye sa papaya quoi. Ah oui, oui quand ils sont sur la plage. Mais c'est après ça, non? Ah oui, c'est quand tu fais le truc avec la langue là, simule un cunier à une meuf et ça va marcher. Ça a bien marché. Alors moi j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois qu'on voit sa mère et sa sœur, on sait pas où on est, mais qu'est-ce qu'elles foutent à Miami? Elles sont à Miami en fait, c'est ça? Ouais, ils sont tous. Non, non, c'est à 8 heures de route. En rentrant de soirée, il fait l'aller-retour quoi dans la nuit. Non mais ceci dit, il revoit sa mère et sa femme, sa mère, sa fille et sa sœur. Je vais tous les faire. D'ailleurs, sa sœur, c'est Lionel Richie. Un petit peu. Ouais. Là, moi, j'avais écrit Todd dans Mario Kart. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus et il est ultra agressif et elles ont déjà peur de lui quoi, tu vois en fait. Ouais. Elles sont déjà un petit peu dans la retenue. Bah sa mère en fait c'est la meuf qui a joué Pocahontas. sa mère on dirait une indienne des plaines quoi, ça a rien à voir. Ouais. Alors moi ce que j'ai trouvé marrant aussi c'est que Manny reste dans la bagnole quoi, c'est-à-dire que il le conduit jusqu'à chez sa mère et il lui propose même pas un café ou un verre d'eau quoi. Ouais, mais bon, c'était un peu en tension déjà avec sa famille quoi. Enfin, moi, j'invite pas mon pote si j'ai pas vu ma mère depuis 10 ans et que potentiellement ça a mal se passer. Tu as mal suivi. Ils parlent anglais d'ailleurs entre eux. Bon, ouais, ça, c'est pour les gens du film, mais. Oui. Ouais. Mais avec l'accent quand même, hein. Oui. Et là, on voit déjà la petite tension de. Parce qu'après, il retourne dans la bagnole et Manny, il fait, c'est qui? C'est ta sœur? Elle est bonne, ta sœur. et là, il y a le. Le brocode? Ah non, pas tout de suite. Là, il y a la mise en respect. Ouais. Vas-y, pas ma sœur. Tu touches pas à ma sœur. Et là, ensuite, instantanément, et là, je suis d'accord avec Greg, c'est vrai que là, pour moi, il y a le step-up dans le scénario. Hop, on est en Bolivie, on est chez Sousa. Sousa. Ouais. Ouais, Sousa. Sousa. Sousa. Non, je vais être pointu aujourd'hui. Et puis là, ben là on parle, là on passe directement en fait, de, on vend des oignons, on tue un mec, ça y est, c'est 17 millions d'euros de dollars par an, quoi. Déjà, on est dans une usine à cocaïne. Ouais, complètement. Ouais, non, mais en plus, lui, il vient pour rien faire, quoi. Donc, comment il gagne autant de pognon? Il vient pour protéger l'autre. Ouais. Donc, non, il vient pour faire business. Ah oui, il vient pour protéger l'autre. Ouais, quoi, d'accord. Ouais. Mais c'est vrai que c'est Franck qui envoie en business. Fait un bras droit et c'est Montana. Il est là pour le protéger. Il est engagé pour ça, Montana d'ailleurs, par Franck. Ouais. Ah ouais. Engagé pour le protéger. Ça va pas bien marcher, hein, sa protection. Ah non, non, bah, non Montana, non, il en veut non, toujours non, plus, non, quoi. Hein. Non, non, Montana, ouais. Tu lui donnes ça, il prend ça. Hein. Donc. Surtout que, en fait, Sosa, il se rend compte que finalement le mec qui est envoyé par Franck, c'est un indique, c'est ça? Ouais. Ouais, mais bon, tu sais pas. On sait pas au final si c'est vraiment un indique. Ouais. Bah, ce qui est bizarre, c'est que si c'était vraiment un indique, il aurait déjà signalé Franck et il serait un petit peu plus surveillé, quoi. Mais bon. Ou alors Sosa est tombé amoureux de Montana, il a dit vas-y, je vire l'autre, et je vais lui faire une fleur à Montana. En fait, ça a été remonté, mais à la base, c'est une histoire homoérotique. Entre deux trafiquants. Et non, mais c'est plausible la théorie, parce que c'était à l'époque, à New York, c'était un indique. Ah oui. Tu vois, donc après, il est descendu à Miami et il a fait carton. Il est tué de la manière la plus classique possible. Oui, voilà, exactement. La pendaison par hélicoptère. C'est pas du tout galère à mettre en place et c'est très utile. Mais par contre, c'est spectaculaire. Kennedy a été tué comme ça. Par contre, c'est impressionnant. Ah ouais, voilà, tu vois ça te marque. Enfin, je peux te dire que ça t'en fout plein les mirettes. T'en as pour ton pognon là. La deuxième petite scène de violence finalement, où on trouvait que c'était. Ouais, pas après violent. On la voit de loin, bon, aux jumelles en fait. Ouais, enfin bon quand même. Donc ce qui est marrant aussi, encore une fois, c'est que Tony, il a toujours la même attitude avec Sosa, c'est-à-dire qu'il est toujours ultra agressif. Il commence à négocier en étant ultra vénère. Il est complètement indifférent à la mort du mec. Ouais, mais il est ultra vénère. Avec... Trop, hein. Il va même se vénère face à Desouza. Mais oui. Mais oui. Et après Desouza lui fait. Desouza. C'est Linda, tu veux dire comment ça? Et après Sosa lui fait. Mais je t'aime bien, Tony. Je t'aime bien, Tony. T'es un gamin. Mais comment ça, t'es un gamin? Il a été agressif tout le long. Il négocie des trucs. Mais en vrai, c'est un petit chien énervé. Tu le mets en respect si t'es Sosa là. Tu vois, t'as un milliard de mecs qui sont là. Tu viens de tuer un mec. Ça va devenir des potes quand même, Sosa et Montana finalement. Il va lui montrer sa télé tableau. Il y a aucune raison pour ça en fait. C'est ça qui est mal fait, je trouve. C'est un chien fougueux, le genre de mec une tête brûlée qui a peur de rien, qui veut réussir et qui peut être un très bon bras droit. Qui respecte sa sœur. Qui respecte. Qui a des valeurs quoi. Des valeurs. Sa sœur. Et donc là après il revient, il va se friter avec Franck direct. Ça c'est marrant parce qu'en expliquant celui-là, j'ai l'impression que ça va hyper vite, mais en fait c'est hyper long là. On n'est même pas à la moitié du film. Ah bon. Mais en fait. Ouais. Il va expliquer à Franck, Franck c'est le bureau, il y a le trompe-l'œil, le roi Merlin en fait. Il est tellement moisi ce truc. En fait oui, il se prend la gueule avec Franck. Mais je suis coincé, il n'y a plus de porte pour sortir. Il y a des palmiers partout. Mais, c'est déjà le coucher du soleil. La plage. Ceci dit, c'est classe. Hein. Ah, tu m'étonnes. Mais en fait, il se prend la gueule avec Franck parce qu'il a pris des initiatives sans lui en faire part, quoi. Ah bah ouais, il a signé pour. C'est pas la moitié d'initiative, il doit 65 millions de dollars à un autre mec. Mais Tony, toujours très sûr de lui, il fait non, mais là j'ai eu un rabais, on va vendre ça tant, et on va faire une plus-value de temps. Alors qu'est-ce que t'en dis, mon vieux? Non, mais c'est surtout que l'autre, là il fait déjà dans son froc, il devrait lui mettre un flingue sur la tempe et lui dire putain, surtout que l'autre il paye des mecs pour se défendre et tout, tu vois, enfin je sais pas. Bon, et après ça, directement, c'est la scène d'après, il va aller voir sa meuf et il fait. Bon, qu'est-ce que tu dis? On se marie? La meuf de Franck. Et Franck, et la meuf, elle dit. Ouais, mais non, parce qu'il y a encore Franck là. Ouais. Genre, mais... Il y a rien eu c'est entre pour les ça, deux. C'est pour ça que pendant tout le film, d'un seul coup, la meuf, elle fait. Ouais, bah d'accord. Oh, mais au moment, juste pour au moment de l'achat de la Porsche et ah, tout. Ah ouais, mais ça fait tellement de la peine. D'ailleurs, il y a une petite scène de drague. Tu sais pourquoi maintenant? Ouais. Mais c'est même pas de la drague. En fait, lui, il est juste nul il est nul. Tu comprends que la nana, ça marche parce qu'elle rigole à sa blague qui est nulle, quoi. Tu vois. Et ça, dans plein de films de cette époque-là, pour ne pas en citer. Dans plein de films de cette époque-là, il se passe la même chose. Genre, la nana, elle sourit parce que le mec, il fait une veine de merde, quoi. Et donc là, bon, bah, ok, ça va marcher. Moi, les meufs, elles font ça avec moi aussi. J'ai mal à l'aise. T'as vu que Scarface, c'est une référence pour les Wesh et les autres. En termes de drague. Ouais, je suis pas Wesh. Donc ensuite, il y a le. Boîte de nuit. La boîte de nuit. Et alors, sa sœur. La tentative d'assassinat. La plus moisie que j'ai jamais vue. Ouais, mais tu comprends quoi. En fait, alors c'est marrant parce que on voit le public. Il y a un comique qui passe à ce moment-là. Il est drôle. Hein. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit le public. Il y a un panneautage. Ah, mais ils sont grillés à 2 km. Oui, voilà. En fait, mais pourquoi ils sont grillés? Dis-moi pourquoi ils sont grillés. Parce qu'ils ne rigolent pas du tout, quoi. Déjà, ils ont l'air de pas comprendre ce qui se passe. Il y a aussi le fait qu'ils ont deux Uzi sur la table. Et pourquoi ils sont assis sur la table? Ils ont leur bras sur le coude. Tu le couses. Et surtout. Mais t'as pas vu les scènes coupées, il faut les surtout, pourquoi ils se sont mis à la table au premier rang? Tu vois, t'as deux flingues, tu te mets un peu en retrait, quoi, tu vois. Mais surtout se mettre au premier rang pour le rater, quoi. Oui, c'est clair. Et surtout, pourquoi ils attendent que le mec vienne chanter près du gars pour lui tirer pour la lumière? En fait, ils voulaient tuer les deux mecs d'un coup, ils attendaient qu'ils soient du même côté. C'était plus pratique. Mais du coup, c'est hyper galère parce qu'il tue l'autre mec et il rate Tony. Il rate 40 personnes. Alors que Tony a pas l'air en forme. Je sais pas si vous voyez là, cette séquence-là. Il a l'air penaud. Il est fatigué. Parce que cette scène-là, c'est pas tout de suite qu'il va se faire tuer. C'est là où il voit sa sœur qui est en train de danser. Ouais. Sa sœur qui se bat. Tu vois, c'est la même scène, mais sauf que c'est la même séquence. Après. Le fritage avec sa sœur, c'est juste avant. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que sa sœur, elle sait que son frère est un déglingot complètement. Elle sait qu'il est complètement frappé, qu'en plus, il commence à être parano avec. Non, pas encore avec la dope. Mais elle va quand même se barrer devant lui avec un mec dans les chiottes, quoi, tu vois. Mais non, elle l'a pas vu. Ouais, elle l'a pas vu. Elle l'a pas vu, elle voit pas monter là. Ok, bon, bah, ok, d'accord. Mais enfin, quand même. Je reviens à ma question. Si sa mère et sa sœur sont à Miami, pourquoi il a mis 5 ans à les voir qu'ils habitaient dans la même ville? Parce qu'il attendait d'avoir du pognon. Il était en prison, il a fait l'armée. Il était encore à Cuba, en fait. Il venait d'arriver, ça fait 4 mois qu'il est là. Ils ont fait l'armée. Elles étaient déjà arrivées, en fait. D'accord. Vous avez enchaîné suffisamment vite parce que j'allais faire la blague sa mère et sa sœur à Miami. Non, elles sont pas amies, hein. Celle-là, je vais la couper, je vais me démerder. On fait un petit blanc pour que je puisse la couper facile. Non. Et donc, on enchaîne. Et après, donc, il va voir Lopez avec un bras dans le plâtre. Ouais. Et parce qu'il a quand même reçu une balle. Et ils arrivent à 3 dans le bureau. Alors, il y a un flic, un garde du corps, Lopez, qui sont en tension maximale. Les types, ils arrivent à rentrer dans le bureau au moment où les 3 sont retournés. Oh putain, vous êtes arrivés! Et t'as 3 mecs avec des flingues. C'est à cause du trompe-l'œil. Ah bah, ils sont tout petits, ils sont au loin. Oh, trop de lumière. Et là, c'est là que ça commence, quoi. C'est la prise du pouvoir. C'est là qu'il va montrer c'est qui domine. Ouais, donc du coup, il y a la petite musique. Bah, en fait, ce qu'on apprend quand même, c'est que c'est Franck qui a essayé de le flinguer. Ouais, ça c'est bien fait d'ailleurs. Ouais, vraiment. Là, c'est bien. Vu la scène juste avant. Où il se tape sa meuf. Enfin, où il essaye de se taper sa meuf, tu te dis que c'est quand même un peu Lopez qui a voulu le buter, quoi. Et d'ailleurs, donc là, il va les tuer tous sauf le garde du corps. Ah, il s'est pissé dessus, c'était trop drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé là. C'est ouais. Non, enfin cette scène, pareil, je la trouve bien. Oui, elle est trop bien. Mais surtout après, il va monter voir Fazer. C'est vraiment drôle, hein. Moi, ça m'a fait rire quand Ernie, on dit, hey, qu'est-ce qu'on fait de Ernie? On tue ou pas? Et ça, moi, je trouvais ça marrant. T'as trouvé du boulot, ouais, parce que du coup, il va l'enlever. Ouais. Et après, il va monter. Genre, le mec qui s'est envoyé 550 rails de coke, il a du sang partout, il vient de tuer 5 personnes ce soir. Et il va monter voir Pfeiffer dans son lit, il fait c'est moi. La meuf se réveille, elle a pas du tout peur, quoi. Franchement, après tu te réveilles, tu vois ce gars là, mais elle lui dit, fais tes affaires, on s'en va. Et elle là, ce qui est drôle, c'est que je vais presser ton jus d'orange. Il y a pas un garde dans la maison qui l'empêche de rentrer, quoi. Non, parce que là, je pense que déjà, c'est un petit peu comme comme ça, c'est la science-fiction. Il a déjà pris le pouvoir. Ouais, c'est la passation de pouvoir un peu là, ouais. Ah ouais. Bah, il a tué Franck. Il a pris tous les pouvoirs, quoi. C'est comme s'il lui avait mangé le cœur, en fait, je pense. Il a récupéré tout. Ah, c'est son beau pouvoir. Ce que tu dis. Et là, c'est mon passage préféré du film, c'est le fameux montage. Oh, t'as la musique au moins. Ah bah oui, la musique. On la met pour ceux qui ne se souviennent pas. S'il vous plaît. Et là, on voit tout quoi. Là, on le voit acheter des trucs. Là, on voit les machines à billets qui font rouler les dollars. Il va à la banque. Mais, et c'est là, c'est le seul moment où on le voit heureux. Il sourit, il est là, il est heureux. Il c'est le seul moment du film où il kiffe. Hein. Alors moi, ouais. ce moment-là, c'est con parce qu'il kiffe que pendant le montage qui dure une minute. Moi, ce moment-là, j'ai pas été très attentif parce qu'au moment où la musique a démarré, je me suis mis à faire de la gym. Et du coup, ce qui est marrant dans ce montage, c'est qu'il sort, il rentre dans plein de bâtiments, et sur les bâtiments, à chaque fois, c'est écrit Montana. Montana, c'est écrit Montana Travel, ouais. Montana Coiffure, et à la fin, j'imaginais genre Montana Clinique Orthoptique, enfin, tu vois, le mec investi dans n'importe quoi. C'est vrai. En plus, à chaque fois, c'est des colonnes romaines avec le truc gravé. C'est toujours le même bâtiment. Non, mais en plus, c'est pour faire discret, c'est plus cool de marquer Montana sur toutes les colonnes de. Mais bon, le montage dure pas longtemps. Hein. Et il dure pas longtemps. T'as le mariage, t'as le tigre, ouais, le fameux tigre. Ouais. Attends, voir mon tigre. Ah ouais, en plus tu parles du mariage. Tigre dans ce domaine. Donc il y a le tigre et il y a le tableau. Il y a le fameux tableau peint de lui. Mais quelle horreur. Le tigre. Un petit mot sur le tigre. Il a l'air quand même assez enragé, le tigre. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Je pense qu'il le nourrit qu'avec de la carotte. C'est pas un régime adapté pour les tigres, c'est les carottes. Non. Ça, c'est un. En fait, ils l'ont tourné en deux scènes parce que c'est Al Pacino qui joue le tigre. Ouf, ouais. Il y a pas que bébé. Ou François Cluzet. Il y a des similitudes. Hein. Avec François Cluzet sur la télé. Et voilà, ça fait des traces d'autres sur la coke. Bien cheap aussi, la d'ailleurs, sitar. Est-ce que c'est ce moment où il sniffe de la coke avec un diapason? Tu sais, il y a un tuyau, c'est un tuyau fin, double entrée, à la fin. J'ai cru qu'il allait avoir encore deux tuyaux qui allaient arriver dans les oreilles, quoi. Tellement que. C'est d'accord, c'est après. Là, ensuite, on a les scènes d'après, avant que ça commence à dégénérer, on voit son bureau. Qui est très classique, très baroque, qui est pas du tout exagéré. Et la scène de jacuzzi. Bah, c'est Napoléon, quoi, à ce moment-là. Quoi. Il a ses initiales gravées partout, quoi. C'est ça. La scène du bain, c'est là où il devient con, en fait. Mais là, encore avant, il est sympa, quoi. Tu peux avoir une forme de sympathie pour un mec qui part de rien et qui gravit les échelons de la drogue. Steve Jobs de la coke. Voilà. Attends, mais c'est sans transition. C'est-à-dire que la scène d'avant, c'est un montage où il se marie, il est très heureux. La scène d'après, c'est connasse. Il est déjà en train de se mettre sur elle. Non, mais déjà, avant même la fin. Potentiellement, c'était l'après-midi. Juste à la fin du montage, on voit que Pfeiffer, elle prend trop de coke et on voit que lui commence à en charger. On voit qu'il commence à devenir parano avant même que la musique soit finie. C'est marrant parce que moi je la trouve plus belle d'ailleurs à ce moment-là. Quand elle prend de la coke. Mais à partir de ce moment-là, elle est magnifique. Tu aimes les filles, Camé. D'accord. Et donc ensuite. Et d'ailleurs, il ne respecte pas le conseil que lui avait donné Franck. Je crois que c'est ça. Hein. C'est Franck qui lui donne ce conseil de jamais être dépendant de sa cam. Ouais. Et là, du coup, maintenant. Il avait raison, Franck. Hein. Le Francky, il aurait mieux fallu. Écouter. En soi, il n'est pas trop dépendant parce qu'il en a tellement comme il veut. Il a des montagnes sur son bureau. Ouais, bon. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, ça te déglingue un peu, quoi. Ah ouais, à la fin, il fait des bonhommes de neige avec un bureau. Là, et donc là, maintenant, c'est le début de la chute. C'est-à-dire que le climax est très, très rapide. Ouais. Mais c'est, du coup, c'est vrai qu'en fait, il kiffe pas du tout. Toute son ascension. Il y a zéro kiff en fait, parce que le montage il va surkiffer, mais c'est le temps d'un montage, quoi. Ouais, bah après le déclin, il kiffe moins. Il y a deux secondes où il a le sourire, quoi, c'est tout, quoi. Donc là après il se fait cramer pour un truc de faux billet, il se frite avec son avocat. Moi j'ai pas grand chose à dire là, ça va vite. Ouais, mais non plus, juste qu'il y a plusieurs fois où il se fait choper quand même, où il dit je vais t'appeler mon avocat, et bon bah il se fait choper et puis il se passe rien du tout en fait, quoi. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il se fait arrêter par les flics au moment du comptage des billets, et juste après il part en Bolivie. Je dis bon, sortie du territoire, thanks. J'avoue que ça se fait. Il part en, en Bolivie rencontrer le général Concombre. J'ai explosé de rire. C'est vrai, il s'appelle comme ça. Il s'appelle général Cucumber en anglais. D'accord. Et c'est là où on a ce truc le plus stylé du monde qui est. Probablement proche du colonel Moutarde. le projo dans un tableau. Alors, ouais, là, la télé-tableau, ouais. Ouais, c'est quelque chose. La télé-tableau oui, oui, bon, oui, Greg, tu l'as maté à quelle vitesse hein. Ah non, je me suis tapé celui-là, hein, franchement. Cocher tout de limite. Tu veux jouer à la vache? Tu veux jouer à la vache? C'est fucking grave. Non, c'est quoi le projo? C'est sur son. Non, mais je sais pas. En fait, à un moment, il dit ouais, regardez, j'ai une émission de télé à vous montrer. En fait, il l'appelle. Il appelle Tony Montana en Bolivie. Il lui dit un deal. Tu sais, c'est le moment où il lui dit voilà, toi, tu vas pas faire de tôle. On a une solution pour ton problème de fraude fiscale. Par contre, il faut que tu tues un mec aux États-Unis qui va balancer des infos sur notre organisation. Et en fait, il balance un film où le mec prend la parole ou une espèce de documentaire. Et en fait, c'est projeté à l'intérieur d'un cadre. Ah, j'ai pas calculé pour moi, c'était une télé. Ah ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, alors bon, il va partir à New York. Avant de partir à New York, il va y avoir la fameuse scène dans le restaurant. Dans le resto, donc ouais. Là, voilà. Ouais. À partir de ce moment-là du film, il va être débranlé. Du début à la fin. Ouais, mais vraiment là, il est surbranlé quoi. Il marche plus droit. La scène. Explique le terme surbranlé parce que tout le monde ne comprend pas. Donc, c'est dans le dictionnaire, hein, dans le dictionnaire. Non, c'est la concaténation du mot turbo et débranlé. Voilà. Turbranlé. Et donc au restaurant, il est vraiment turbranlé comme il faut quoi. Et comme Pfeiffer aussi d'ailleurs. Hein. Ouais, elle est turbranlée aussi. Ouais, mais elle est stone quoi. Elle est. Bah, elle reste stone, classe. Hein. Elle reste classe tout le long du film. D'ailleurs, il le dit. Hein, j'ai l'impression de faire l'amour à un coma. Ah oui, ça m'a fait éclater de rire. C'est vrai. Ouais. C'est un putain. Et c'est pas de la coke qu'elle prend, c'est du Lexomil en fait, non? Non, mais elle prend des amphètes le matin pour pouvoir se réveiller, et de la coke le soir, enfin c'est n'importe quoi. Pour pouvoir dormir, ce qui. Mais là, ce qu'il dit, je trouve ça assez marrant, bon, c'est assez vulgaire et tout, mais c'est assez drôle. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est si c'est le mec le plus puissant qui possède les millions, pourquoi c'est lui qui doit tuer le mec à New York? Il peut pas demander à 9 mecs de le faire. Oui, c'est clair. Parce que Sosa lui demande. Mmh. Alors, c'est surtout que le mec est sous protection. Enfin, tu vois, il va être à New York le moment où ce mec l'a tué. Enfin, gros, c'est encore une chance. Et pour revenir sur la scène du resto, donc c'est la scène de rupture aussi entre Pfeiffer et Tony Montana. Et d'un seul coup, en fait, ça fout le bordel, tout le monde les regarde et il se lève et il fait un grand discours devant toutes les tables dans un resto de luxe quand même. Il faut quand même le préciser. Ouais. Clairement, dans la vraie vie, on lui dit Monsieur, vous dérangez la clientèle là. Le patron du resto, il prend quand même son petit billet. Ouais, il prend son petit billet. Mais franchement, ceci dit, il y a Booba qui pète un cap dans un resto. Moi, je suis serveur et je dis rien quoi. Oui, monsieur. Vous voulez votre manteau quoi? Ou en vrai, Michael, toi, tu te fais planter par un Pfeiffer au milieu d'un resto de luxe, tu pars en chialant. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi il va pas tuer le mec à New York du coup? Ah ouais, parce que c'est génial. Et là encore, c'est quoi? C'est les valeurs. C'est les valeurs, ouais, c'est le gros code. C'est le gros code. Il a trop raison. C'est pas les femmes et pas les enfants quoi. Il tue pas le mec que Sosa lui a demandé. Parce que le mec est pas gentil. Non plus, bordel de merde. Parce que c'est pas gentil. Tu tues pas des femmes parce et des enfants. Parce que le mec est monté dans une bagnole. Et à la base, ils sont censés faire exploser. On voulait juste la faire péter. Et en fait, voilà, le truc, c'est qu'il y a ces enfants qui montent. Et il y a un plan qui m'a fait hurler de rire. Genre, ils font, oh, il y a les enfants. Et là, il y a un plan des enfants qui jouent à l'arrière. Et tu sais, en les regardant, limite, ils leur font coucou. Nous sommes des enfants innocents. Alors, en fait, vous avez pas tout à fait raison, parce que moi j'ai regardé la séquence de manière très attentive. En fait, il décide de pas faire sauter la voiture parce qu'il y a Kenny Reeves dans une planche à roulettes en dessous en train de les amorcer la bombe. Oui, j'ai pensé à toi. La bombe, il y a tout un système de voyants. La bombe, j'ai pas tilté là, tu vois. La bombe, elle est métacomplexe avec plein de couleurs. Il y a 12 clés. Je comprends rien du tout. Quoi. Et d'ailleurs, ils appellent le mec qui est dans la voiture, l'ambassadeur qui est censé livrer les informations. Et ils lui disent si tu dépasses les 50 miles, la bombe s'enclenche. Et alors après c'est la scène finale, on va régler tous les bails d'un coup. Tout le monde monte dans les tours. Ça monte dans les tours, tout le monde monte en l'air. Là il arrive, il se vénère avec sa mère au téléphone, il raccroche, il se vénère avec Sosa au téléphone, il raccroche. Là il ouvre sa boîte à coke. Il s'envoie. Et là il se fait un poteau à ce moment-là, je sais pas si tu sais. Ce qui est marrant c'est qu'il prend un énorme tas de coke mais qu'il essaie de faire quand même une ligne. Une ligne qui fait 20 cm de largeur quoi. Il fait quand même une ligne et il se fout le nez dedans quoi. C'était un peu exagéré quand même. Après, que... ouais, vas-y. C'est pas la scène finale dont tu parles, pas encore. Non, non, là, celui-là, c'est le mainlay ouais, final ouais, de carton. Ouais, quoi. Ouais. Ouais. Bah après, il faut quand même parler. Faut quand même parler. Bah, faut quand même parler de la scène où il tue. Alors, c'est marrant parce que il refuse de tuer un ambassadeur parce qu'avec sa femme, c'est quoi. Par contre, il tue son meilleur ami. Ouais. C'est pas pareil. Il a touché à sa sœur aussi. Ouais, c'est pas sœur. Un enfant. C'est pas un enfant. C'est sa sœur, quoi. C'est encore pire que les enfants, quoi. Il ouais. s'était marié la veille et il voulait lui faire la surprise. Pas de chance, hein. Bah, c'est donc, il aurait fallu que Franck, en fait, envoie sa sœur auprès de l'ambassadeur et il l'aurait tué, finalement. Alors, autant pendant la première heure, Tony a beaucoup de chance. Pendant les 5 minutes, il est heureux. Mais là, pendant toute la fin, il n'y a pas beaucoup de chance. Il fait que des conneries. En même temps, il se donne pas beaucoup de chance parce que, franchement, là, il se fait. Il est tellement défoncé qu'il fait n'importe quoi. C'est plus des rails qu'il fait, quoi. Là, il se. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'après avoir tué son meilleur pote et avoir foutu sa sœur dans la merde, il la ramène. Et, tu sais, il est dans son bureau, il est complètement débranlé. Tu sais, tout le monde va dans son sein, genre. Mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller, ta sœur, ça va aller. Il y a un moment, ça va aller. Ah ouais, j'ai juste buté mon meilleur pote et son mari, mais ça va aller. T'es sûr qu'elle va bien aller? Ouais, va bien aller. On lui a donné un cachet, là, elle va déjà nettement mieux. Surtout les mecs monstrueux, ils disent pas putain, le réfé, il est un peu sincère là. T'inquiète pas, Tony, tout le monde le brosse dans le sens du poil, ça va. Tout le monde est là, bon, allez, ça va aller. Moi, bon, c'est un petit coup de mou là qu'il a. Il vient juste de tuer son meilleur pote et il a sous ça le mec le plus puissant du monde qui veut le flanquer. Donc, ça va aller, Tony, ça va aller. Et alors... ce que j'ai bien aimé, c'est que quand il rentre chez lui, après avoir amené sa sœur, il a toujours le flingue à la main. Ah ouais. Mais là, tu. J'ai pas fait gaffe. Non plus. Et là, alors, en parallèle, donc, sa sœur va devenir complètement maboule. Ouais. Parce que les calmants qui lui ont filé, ils ont pas l'air top puissants. Moi, j'ai cru qu'en fait, il avait une alu. Quand j'ai cru, sais pourquoi? Parce qu'elle est tellement maquillée qu'en fait, elle a pas du tout la gueule d'une meuf qui vient de pleurer Ouais, elle est. Elle a un côté ange et tout, elle est toute chelou. J'avoue, moi aussi, j'ai cru que c'était une hallucination. Ouais. En tout cas, les Dodafalgans lui ont pas fait du bien. Et en parallèle, il y a l'attaque des 12 000 ninjas Chicanos. Alors, ils arrivent à peu près les mêmes qui Diana Joska. Alors, c'est Franck qui envoie une armée, quoi, carrément. Non, c'est pas Franck, c'est Sosa, parce qu'il est là. Franck, il est mort depuis longtemps. Oui, c'est Sosa, c'est Sosa qui l'a tué à la fin. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, comme il a pas tué la personne qui devait tuer, du coup, il lui envoie une armée pour. Sosa, qui était au téléphone il y a 10 minutes et qui va faire le Bolivie-Miami le plus rapide du monde. Oui, c'est vrai. Bah, tu sais, il le fait en 5 heures, il l'avait dit au début. Oui, il le fait en 5 heures et là, il est là en 15 minutes. Ouais. Bah, c'est pas Sosa du tout. Le Terminator à la fin? Ah? Bah, si, c'est Sosa. En tout cas, c'est un GIGN bolivien. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est lui. Enfin, tu sais, c'est obligé que ce soit lui qui finisse Tony Montana, tu sais. Par derrière, c'est lui qui le tue. Ouais! C'est Sosa qui le tue! Ouais, je crois que c'était Stevie Wonder, moi. Non, mais c'est vrai, c'est un quebla qui le tue. Bah, en fait, maintenant, c'est l'été en Bolivie, c'est pour ça, du coup, il est vachement plus bronzé qu'au début, c'était l'hiver. Non, mais en fait, maintenant, j'ai vraiment des doutes, ça se trouve, c'était un tueur spécial. Non, je pense que c'est un tueur. Mais non, c'est Sosa, on le voit, d'abord, il y a un plan près de la piscine. Non, en plus, par contre, il lui parle, il lui dit Tony, machin, il lui murmure un truc avant de le tuer, je crois. C'est Sosa, c'est un film basique, hein. Alors, les autres, ils ont tous des flingues, personne ne s'est visé, quoi. Ah non. Ah, ils sont nuls, hein. Ah putain, il va les latter, il se prend 9 balles dans la gueule. Non, il en prend 50. Ouais. Je pense qu'il est plus fait de métal que de chair à la fin, en fait. Ouais. Mais je crois qu'à la fin, c'est un peu une allégorie. Quand il sort son méga pistolet, quand il dit, tu sais, sans cesse, you want to fuck with me, you cockroach, machin, il prend la sulfateuse, quoi, tu sais, il la porte comme ça. Mais ça, pour le coup, ça, c'est une référence au film de War Dogs. La sulfateuse. Parce que, non, c'est un des premiers films de gangster où ils sortent des mitrailleuses de ouf et qui tuent tout le monde, en fait, de là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'était la référence à Stevie Wonder, je sais pas pourquoi elle est sortie. Ah bon. Tu viens d'improviser ça, tu l'avais pas préparé. Non, mais c'est qu'en fait, j'avais mis un truc YouTube de Push It to the Limit et il a fait une playlist, il est en train d'en faire les 80. Et donc là, c'est un peu Vice City, GTA Vice City à la fin, c'est. Ouais. Bah, c'est pas un peu, c'est GTA Vice City. Oui, mais c'est la même chose. Oui. Ouais. Et il y avait même dans un motel caché en centre-ville un truc où tu pouvais avoir la tronçonneuse dans une chambre. Ouais. C'est vrai. En référence. Et d'ailleurs, le Babylon, c'est le club que t'achètes dans Vice City. Hein. Qui s'appelle comment d'ailleurs? La Jam. Mais vraiment, non, mais super, super bon film. Super bon film. Bah, un peu trop long et franchement tout ce qu'on a cité genre on le voit pas travailler. Non mais il y a des attends, non mais j'avoue il y aura un milliard de plans où il déchargerait des sacs de ciment, ça te ferait chier. Sinon le film dure 7 heures quoi. Non mais ou alors ce qu'on aurait pu faire c'est mettre un montage travail. Tu vois où on le voit. Non mais sur c'est vrai. Wonder, oui. Non mais un montage parce qu'en fait le rôle du montage c'est genre de faire un condensé genre tout va bien et c'est genre un ou deux ans où tout va bien. un ou deux ans où il travaille. Ouais, mais là, en plus, ça aurait été bien, le montage, ça avait l'air d'être le montage de bonheur. On a l'impression qu'il s'est écoulé 4 semaines, quoi. Bah, ouais. Bon, moi, bah, sinon, t'as fait une trilogie, ça s'appelle Le Parrain. C'est un bon film. C'est quand même à la base, quand même un film de mec, mais t'as quand même des séquences émotions qui sont assez, assez sympas. Mais alors, par contre, la femme est un objet, quoi. Ah oui, bah, tout le long, la femme. Et ça, c'est l'enfer. Franchement, moi, j'ai pas trouvé. Franchement, je trouve le film, il est plein de belles valeurs. Là, trop non, les femmes, elles sont bien représentées. Regarde la mère, elle a un peu le contrôle et tout. C'est comme ça. En plus, il lui donne 1000 euros. Franchement, c'est ça. Quand tu réussis, tu donnes de l'argent à ta famille. Enfin, moi, franchement, j'ai vraiment aimé ce film. Ouais, donc, et je suis prêt à le revoir assez rapidement, en fait. En VO, parce que je l'ai vu en VF, malheureusement. Ouais, franchement, c'est trop bien caché. Alors, en VF, c'est l'enfer. Pour les besoins d'enfer, voilà. Plus besoin d'enfer. Pour les besoins d'émission, je regarde plutôt les films en VF. C'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai changé un peu les règles du jeu, exceptionnellement, pour ces commentaires. Je ne suis pas allé voir les commentaires 5 étoiles, mais je suis allé voir les commentaires 0 étoiles. C'est ça parce que t'as aimé le film. Alors, pour deux raisons. Déjà, d'une, parce que les commentaires 0 étoiles étaient souvent globalement plus drôles que les commentaires 5 étoiles. Et deuxièmement, parce que j'ai adoré ce film et je vois pas pourquoi je me foutrais de la gueule des gens qui ont adoré ce film également. Non, mais c'est. Attends, mais dis la vérité, c'est parce qu'il y avait 850 commentaires 5 étoiles et que c'était un peu si bien. Il y en avait beaucoup moins, c'est 0 étoiles. Mais honnêtement, ils étaient plus drôles. Quel connard, il m'a appelé au milieu de semaine, il fait bon, j'ai un problème, il y en a vraiment beaucoup trop à lire, ça me fait trop chier, je pars en Suisse ce week-end. Bah, dis-leur la vérité, merde. Donc bon, monsieur est allé à Genève, donc on se tape des commentaires de merde. Alors, à commencer par Wands8579 qui dit « C'est vraiment pourri, c'est de l'argent facilement gagné. Et quand je pense que ça existe encore, des connards qui font du marché parallèle. Mais c'est quand qu'on va légaliser la drogue pendant qu'on y est ?» Marché parallèle, il parle du film ou il parle de la drogue? Est-ce que tu sais en quelle année ils ont écrit les commentaires? Ah non, je sais pas, mais c'est assez récent, j'imagine. T'as, mais lui, il est bien old school. C'était sur Allociné ou Amazon? Je sais plus, je crois que c'était Allociné. On a Talma 12 qui dit « Trop de drogue, de violence dans ce film, qui me met mal à l'aise face à des gens qui en font un film culte. Trop de gamins font de Tony Montana un héros. Pour moi, c'est qu'une merde de camé qui trahit et tue tous ceux qui l'approchent. Tony Montana, c'est la racaille des années 80. Ah non, moi, je vais pas au cinéma pour voir des films comme ça. On a Gigi Trax. Franchement, elle est trop asline. Gigi Trax qui nous dit « Il faudra m'expliquer pourquoi ce film est encore considéré comme un chef-d'œuvre. Il a totalement vieilli, que cela soit au niveau des jeux des acteurs ou des décors, la palme de l'insupportable revenant à la musique. » Puis on trouve... Oh, elle est dure. Ouais, ouais, mais parce que peut-être attends, c'est pas début fini. 90, tu peux trouver ça vraiment nul. Quoi. Oui, c'est vrai. Et puis entre nous, le film n'est pas crédible. Comment quelqu'un d'aussi peu intelligent que Scarface peut réussir à monter un tel empire? Et elle finit « La seule chose qui m'est vraiment marquée dans ce film, c'est la machine à compter les billets. » Oh merde, t'es tombé sur une femme vénale encore, quoi. Et enfin, pour finir, on a AR67 qui nous dit « Film de voyous pour les voyous. Une daube infâme. Déjà que j'aime pas ce genre de film, avec des raclures pas possibles, mais là on tient le pompon. » Et finit par « Et quand on croise un gland dans la rue ou en ville avec une veste ou un t-shirt à l'effigie de Scarface, ça en dit long sur son QI. Hein. » Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Scarface de De Palma. Ouais. Si vous avez des commentaires, moi, je veux bien le refaire la semaine prochaine encore. sur notre Twitter @2_HDP. Ah, on a eu un petit commentaire en fait. Et oui, il y a quelqu'un qui a été cool, il nous a laissé 3 étoiles. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il laisse un commentaire du genre cette émission est bien, sans prétention, et, hein, il nous met 3 étoiles. Bah, sur une échelle de 67. Voilà. Mais je pense qu'il s'adresse à Greg. Il n'a pas poussé To The Limit, ça, je pense. Franchement, il aurait pu y aller To The Limit, quoi. Allez. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao.